Eh, je vous sens pas se motiver. Est-ce qu'on en fait une autre? Bon. On va en faire une autre alors. On nous cache tout, on nous dit rien. Aussi, faites attention car on ne vous a rien dit. Merci, dans vos mérites, il y a du fric qu'on oublie. Dans les amis, vos amis, à vos ennemis, ici. Et dans cette bouffe, il y a une bête assassine. J'insiste, quand on hésite, se meurt, le monde j'y assiste. C'est triste, on nous cache tout ici, pas sur terre, c'est la vie. Vérité sur la police, ce qu'elle cache, ce qu'elle dit, ce qu'elle pille. Les banques et les bourgeois qui gaspillent, et les esprits dans les camps qui survivent. Trafic d'organes, trafic de sang pour les riches. Des heures d'attente aux urgences faciles. Les élus repris de justice et toute justesse. Peut-on savoir car on sait qu'il y a des risques. On ne dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On ne s'informe vraiment plus rien. Quelle est l'affaire des infirmières bulgares? Où est l'argent de la Société Générale? Le trou béant de la sécurité sociale? De la couche de zone et de la réserve fédérale? Les hommes d'État vont jamais au tribunal. Quelques élus avec des peines banales. Accompagner l'affaire du sang sale. Madame, la peine croissante, ça fait de nous ces otages. Oh. On nous cache tout. On nous dit rien. On vous a vu meilleur tout à l'heure, dans les danses, un peu brutales. On va se la refaire en mieux, d'accord? D'accord? Oh, on vous entend pas! 1, 2, 1, 2, 3, 4, on nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe, on n'en sait rien. On nous cache tout, on nous dit rien. We'll be right back. Merci à vous.